Exercice 2, page 147. A. Ils s'aiment. B. Ils s'adorent. C. Ils observent. D. Ils échangent. E. Ils s'habillent. F. Ils écrivent.